l'histoire économique du Canada. Une série de 25 émissions examinant certains aspects du développement de la socio-économie canadienne depuis ses origines jusqu'aux années 1980. Ici Gilles Paquet. Au cours de la dernière émission, nous avons examiné la socio-économie canadienne dans l'après-guerre, l'économie canadienne des années 1940 aux années 1950. La socio-économie canadienne vit pendant cette période sa reconstruction, sa reconversion à une économie de paix, après avoir été mobilisée en grande partie par l'effort de guerre. Ce qui marque l'après-guerre, c'est la grande peur du retour de la crise économique des années 30, et l'on voit donc s'élaborer, en réaction à cette crise appréhendée, les premiers éléments de la mise en place de l'État-providence au Canada et l'élaboration d'une politique destinée à attirer à tout prix les capitaux américains, générateurs de croissance économique et d'emploi au Canada. Aujourd'hui, dans la 24e émission de notre série, nous chercherons à comprendre quelles forces ont déclenché, à partir des années 1960, un interventionnisme de plus en plus ambitieux des États fédéraux et provinciaux, un interventionnisme qui va, entre autres choses, consolider l'État-providence au Canada et commencer de contrer l'envahissement des capitaux américains. Les années d'après-guerre ont vu la main-d'œuvre et l'emploi croître plus rapidement au Canada que dans la plupart des pays industrialisés. Mais ce qu'il y a de plus important peut-être, c'est la restructuration de l'économie et de l'utilisation de la main-d'œuvre au Canada dans la période entre 1945 et 1960. Le pourcentage de la main-d'œuvre dans l'agriculture tombe de plus de 30% à moins de 10%. Et puis cette période voit un renversement important dans la nature des activités des Canadiens au travail. À la fin de la guerre, près de 3 millions de Canadiens travaillaient dans des industries produisant des biens physiques, des biens matériels, et moins de 2 millions travaillaient dans le secteur des services. En 1960, alors que l'emploi dans le secteur des biens matériels s'est maintenu entre 2,5 millions et 3 millions de personnes, l'emploi dans le secteur des services a doublé et de 3 millions à 3 millions et demi de Canadiens travaillent dans le secteur des services. C'est aussi la période, on l'a dit la dernière fois, où le rôle des femmes dans la main-d'œuvre canadienne se transforme. Près de 750 000 de femmes entrent sur le marché du travail entre 1953 et 1964. Les femmes passent de 22 à 29% de la main-d'œuvre en une dizaine d'années. La nature des tâches aussi a commencé à se modifier. Alors qu'à la fin de la guerre, col bleu et col blanc étaient à peu près à proportion égale dans la main-d'œuvre, un peu plus du tiers pour chaque groupe, à la fin des années 60, les cols blancs sont maintenant 60% de la main-d'œuvre. Cette après-guerre, faut-il le rappeler, c'est une longue période de croissance économique jusqu'à la fin des années 1960. Une croissance économique à peine ralentie par moment par quelques moments d'essoufflement de l'économie, en 53-54, puis en 57-58 et en 1960. En fait, sauf pour la mini-récession de 1958 à 1962, une mini-récession qui va pousser le taux de chômage à plus de 7% en 58 et en 60, la socio-économie canadienne vit une prospérité enviable et enviée. L'immigration est forte. 1,5 million de nouveaux arrivants pour chacune des décennies 50 et 60. Et puis, il y a l'ajout de 365 000 nouveaux citoyens canadiens en 1949, avec l'entrée dans la socio-économie canadienne de Terre-Neuve et du Labrador. Cette socio-économie canadienne planifiée au temps de la guerre, elle a gardé une grande centralisation de son appareil gouvernemental. La Grande Dépression et la Seconde Guerre mondiale avaient fait osciller le pendule vers un fédéralisme centralisé. Pour la plupart des gouvernements provinciaux, cette nécessité d'une politique économique stabilisatrice à saveur keynésienne est acquise, et c'est la responsabilité du fédéral. D'ailleurs, comme nous l'explique Caroline Pestio, une économiste à l'Institut CDR, cette situation est viable dans l'après-guerre, mais le pendule va se déplacer vers la décentralisation dans les années 1950. Cette situation a persisté à partir de la guerre jusqu'à 1957. Ça a été renforcé par la guerre en Corée, parce qu'évidemment, toujours en temps de guerre, le gouvernement central assume des pouvoirs, si pas exceptionnels, au moins assez centralisateurs. Alors, les gens étaient assez satisfaits, j'ai l'impression, de cet état de choses, parce que les provinces ne sentaient pas vraiment prêtes à prendre leurs propres économies en main. Elle dépendait encore de l'investissement extérieur. On ne comptait plus sur l'investissement britannique, évidemment, mais pendant les années 50, on comptait énormément sur l'investissement américain. L'investissement américain venait entre autres parce que les Américains avaient confiance dans le gouvernement canadien, qui avait été un allié très proche pendant la guerre. Alors, il y avait une combinaison de circonstances qui faisait que les provinces étaient assez satisfaites d'une centralisation, une centralisation qui s'exprimait en termes fiscaux par ce qu'on appelait l'allocation des droits d'imposition, c'est-à-dire que ce qui avait eu lieu pendant la Deuxième Guerre mondiale était continué. Les provinces louaient leurs droits d'imposition sur le revenu personnel et le revenu des sociétés au gouvernement fédéral qui les remboursait. Alors, les provinces, en fait, n'imposaient pas de taxes. Et c'est intéressant qu'une des raisons du changement est venue du gouvernement fédéral, qui se voyait obligé de supporter tout l'odieux de soulever les taxes. Alors, un des mouvements vers une décentralisation est venu du gouvernement fédéral lui-même, qui obligeait, à partir de 1957, les gouvernements provinciaux à statuer eux-mêmes sur la perception des impôts. Alors, ça a changé un peu la situation et il y avait plusieurs autres circonstances, entre autres. Le Québec lui-même, sous le gouvernement Duplessis, ne voulait pas du tout se joindre à ce système et a imposé pour la première fois des impôts sur le revenu personnel en 1954. Alors, il y a eu très lentement un désagrégement de la centralisation. Pourquoi ce système qui a engendré la croissance, puisqu'on sait que jusqu'en 1957, c'est une croissance à peu près continue, importante au Canada, pourquoi est-ce qu'un système qui semble être porteur de prospérité et de croissance va être remis en question à la fin des années 1950? Je pense que ça a à voir avec plusieurs choses, au niveau provincial tant qu'au niveau fédéral. Au provincial, évidemment, il y avait une prise de conscience des Québécois avec le rapport Tremblay. Le rapport Tremblay prenait un partage beaucoup plus net des pouvoirs, refusait cette espèce de confusion plus ou moins délibérée par laquelle le gouvernement fédéral se mixait aux affaires qui étaient constitutionnellement provinciales, comme l'éducation et la santé. Et on prétendait dans le rapport Tremblay qu'il devait avoir étanchéité entre les responsabilités des différents niveaux du gouvernement. Mais cela, je pense, serait resté lettre morte s'il n'y avait pas eu en même temps une espèce d'élan économique dans certaines des provinces, dans l'Ontario à cause justement des rentrées des capitaux américains, dans l'Ouest à cause des découvertes pétrolières. Aussi, il y avait une grande entrée d'immigrants pendant cette période-là, d'immigrants qui avaient des qualifications, qui étaient des ouvriers qualifiés ou des professionnels. Alors, il y avait un certain élan, une certaine confiance parmi les gouvernements, les responsables au niveau provincial, qui se disaient, nous pouvons quand même prendre nos affaires en main. Et ils commençaient à recevoir des revenus des octrois, disons des transferts fédéraux qui n'étaient plus reliés à des programmes spécifiques. À partir de 57, vous avez un système de péréquation qui est explicite. Avant, il y avait, suite à la commission Roëlle-Sirois, un principe de péréquation, car aucun Canadien ne devrait tomber en dessous d'un certain seuil de pauvreté ou de richesse, mais c'était un principe qui n'était vraiment pas tellement bien explicité. En 57, on a divisé le système des transferts fédéraux vers les provinces en deux parties. Les programmes à frais partagés, qui les grands programmes de sécurité sociale et d'hospitalisation, et les programmes de péréquation, qui visaient justement à permettre à toutes les provinces d'offrir à leurs citoyens un niveau raisonnable de services publics sans devoir imposer leurs citoyens au-delà de, disons grosso modo, la moyenne canadienne. C'est censé répondre à ce qu'on appelle l'équité fiscale, c'est-à-dire qu'un citoyen, partout où il se trouve au pays, est traité d'à peu près la même façon par son gouvernement en ce qui concerne l'imposition et les biens publics qu'il reçoit. Alors, la péréquation était entièrement inconditionnelle. Les provinces pouvaient faire ce qu'ils voulaient avec ces octrois de péréquation. Alors, tout à coup, ils se trouvaient en possession de fonds qui n'étaient liés à aucune condition. On dirait en anglais, ils n'avaient pas no strings attached. Alors, ils avaient un peu plus de jeu financier et fiscal. Et aussi, il y avait des gens qui entraient dans la fonction publique qui étaient plus ambitieux, beaucoup plus qualifiés. On a certainement vu ça au Québec. Toute cette période correspond à la Révolution tranquille. Mais il y a des choses pareilles qui se sont passées dans d'autres provinces. Alors, on a une remontée de la décentralisation et je pense qu'à des choses comme par exemple les deux systèmes de régime de retraite, le Canada, on a proposé un, le Québec, on a proposé un autre. Cela aurait été inconcevable, je pense, pendant les années 40 et 50, que le gouvernement du Québec soit en mesure de proposer un régime de retraite complet pour tous ses citoyens, qui est en fait techniquement supérieur à ce qui a été proposé par le gouvernement fédéral. Pour moi, ça, c'est une indication du niveau d'expertise, maturité des fonctionnaires provinciaux et qui se trouve aussi en Ontario. Tout un ensemble de forces vont faire que le gouvernement économique du Canada va se faire à la fois relativement plus interventionniste, mais aussi relativement plus fragmenté à partir de la fin des années 1950. Les gouvernements sont plus riches durant cette période de croissance soutenue et la demande de services sociaux augmente à proportion que les enfants nés en grand nombre à la fin des années 40 arrivent à l'école ou réclament des soins additionnels. Mais il y a plus. À mesure que les années 50 progressent, il devient clair que non seulement il reste de gros morceaux de l'État-providence à mettre en place, des morceaux que la population réclame, mais qu'il faudra faire face à des problèmes d'ajustement importants dans cette restructuration de l'économie canadienne, des problèmes qui vont réclamer une intervention plus poussée, plus importante de l'État. Cette intervention plus poussée, on en sent le besoin à la fin des années 50, quand les analystes suggèrent que plus de la moitié du taux de chômage, c'est du chômage structurel, un chômage attribuable non pas à une déficience de la demande globale qu'on peut éliminer par un déficit budgétaire ou une politique monétaire plus souple, mais un chômage attribuable au manque de concordance entre les caractéristiques des travailleurs, localisation géographique, type de compétences, etc., et la nature des personnes dont on a besoin sur le marché du travail. Voilà qui entraîne les gouvernements fédéral et provinciaux à mettre au point des programmes plus ambitieux, qui vont vouloir ni plus ni moins qu'éliminer les sources de ces malajustements. Programmes de formation de main-d'œuvre, programmes de relocalisation, programmes de subvention au développement dans certaines régions. Et puis, à la fin des années 50, c'est la mini-récession qui accompagne le gouvernement Diefenbaker. Une mini-récession en partie attribuable dans sa durée et dans son intensité à des conflits entre le ministre des Finances, M. Donald Fleming, et le gouverneur de la Banque du Canada, M. James Coyne. Un conflit qui fait que les politiques fiscales et monétaires sont discordantes. Les grandes provinces commencent à sentir le besoin, peut-être, de se donner des outils d'intervention sur la conjoncture économique. Et puis enfin, il y a la réflexion à laquelle a donné lieu la défaite des libéraux et le programme de réforme sociale de construction accélérée de la social-démocratie qui en sort, un programme que Lester Pearson présente au peuple à l'élection de 1962. C'est l'effet d'écho, diront certains, des activités américaines de John F. Kennedy, qui, on s'en rappellera, venait de lancer sa guerre contre la pauvreté. Tout ce bouillonnement va entraîner une croissance accélérée des activités gouvernementales, la mise en place par les États de politiques de plus en plus ambitieuses. Certains iront jusqu'à parler de l'avènement d'un mode de production étatique. J'ai demandé à Gérard Bélanger, un économiste spécialisé en finances publiques à l'Université Laval, de m'expliquer pourquoi il y a cette bouffée d'activité gouvernementale dans les années 1960. Les gouvernements dépensent ce qu'ils reçoivent. En un mot, c'est que si les rentrées fiscales sont élevées, les gouvernements, ça va être plus facile pour eux d'implanter de nouvelles mesures. Et on sait que les années jusqu'en 65 furent des années de prospérité généralisée. Et aussi, vous savez que les impôts sur le revenu ont cru dans le temps. À cette époque-là, l'impôt sur le revenu n'était pas indexé. Ça signifiait qu'à chaque fois que le PNB augmentait, les recettes gouvernementales augmentaient plus vite que l'augmentation de production. Et ça permettait donc au coffre du gouvernement d'être mieux garni. C'est pour ça que si on regarde les années 1950, l'impôt sur le revenu des particuliers, ça représentait 6,4 % du revenu personnel des gens. Tandis qu'aujourd'hui, ça atteint presque 18 %. Donc, vous avez un grand impôt qui augmente automatiquement et qui permet de financer de nouveaux programmes. L'État va donc avoir des ressources financières plus grandes et va être tenté de les utiliser. À quel moment est-ce que va se produire le grand déblocage, l'augmentation du secteur public, et pourquoi? Est-ce que c'est seulement parce que l'argent est là et qu'il faut le dépenser ou que d'autres forces vont alimenter cette accélération? Comme on l'a souvent mentionné, il y avait eu le problème de la crise et donc il y avait une demande pour des assurances. Et ces assurances-là ont été implantées progressivement. L'assurance hospitalisation, 58, assurance santé, 68, le supplément de revenus garantis, 77, allocation conjointe, 75, régime de pension du Canada, régime des rentes du Québec, en 1966. Donc, beaucoup de mesures qui ont été implantées progressivement. L'expansion du secteur public n'a pas seulement eu lieu dans les programmes du welfare state, mais a eu lieu aussi dans les autres secteurs de l'économie. C'est pour ça qu'on s'aperçoit que dans les années 50, les gouvernements représentaient à peu près le cinquième de la production. Tandis qu'aujourd'hui, vous savez que les gouvernements représentent à peu près les deux cinquièmes. Et on peut dire que ce passage de 20% à 40% peut être divisé 10% de plus dû au welfare state et 10% de plus dû à d'autres mesures gouvernementales, soit aide à l'éducation supérieure, aide à la main-d'œuvre ou dépenses en biens et services des gouvernements. L'État est devenu omniprésent dans les années 60. On a créé des ministères de la main-d'œuvre, de l'industrie, du développement régional, des conseils d'orientation économique, des offices du plan. Pourquoi est-ce qu'en 1960, les gouvernements deviennent tout d'un coup tellement ambitieux? Certains, et là je réfère au Québec, le corps du sociologue de Concordia, Hubert Quindon, il disait que les Québécois, par la Révolution tranquille, utilisaient l'État pour se créer des jobs. En un mot, qu'on avait ce qu'on appelle actuellement une nouvelle classe qui utilise l'État pour se créer des jobs. Donc, certains attribuent la croissance des gouvernements à une présence d'une nouvelle classe dans une société qui veut utiliser l'État à ses propres fins. Une autre explication, ce serait peut-être notre mécanisme électoral. Qu'est-ce qui est intéressant pour être élu? Ce n'est pas de promettre des mesures générales. Exemple, promettre une réduction des taxes de 10%. C'est plutôt promettre des soupçons à des groupes particuliers. Et donc, il apparaît par nos mécanismes électoraux qu'on aboutit non à des mesures générales, mais davantage à des mesures appropriées vis-à-vis des minorités données. C'est le même qu'on gagne les élections, en promettant des soupçons à des groupes bien organisés. Et cette dynamique-là, elle aboutit à une augmentation d'intervention gouvernementale. Il y a aussi le fait qu'à mesure que les revenus du monde augmentent, les gens veulent se payer plus d'assurance. Et on a vu le welfare state. Ce qu'il y a eu de le welfare state depuis l'après-guerre, on s'est donné toute une série de mesures, ce qu'on appelle en anglais un safety net, toute une série de mesures pour nous protéger contre les mauvaises périodes de la vie. Et on s'est donné des mesures publiques, en un mot, assurance hospitalisation, assurance chômage, assurance vieillesse. Que l'accroissement des dépenses publiques vienne répondre à une demande de protection, d'assurance par la population, ou qu'elle soit le résultat d'une action stratégique par une nouvelle classe moyenne ou par des bourgeoisies régionales cherchant à se donner un instrument étatique, il est clair que l'action gouvernementale accrue des années 1960, que l'épiphanie de l'État omniprésent, renvoie au soubassement social de l'économie canadienne. Or, ce soubassement social, dans une économie où le pouvoir économique est fort concentré, mais aussi où les régions ont commencé depuis l'entre-deux-guerres à vivre des vies économiques séparées, ce soubassement social, il est complexe. Et le besoin d'intervenir va amener les divers groupes sociaux à utiliser le morceau de l'appareil étatique le plus près d'eux, le plus susceptible de fournir l'intervention désirée. Il y aura tension entre la grande bourgeoisie canadienne, celle dont l'assise économique, c'est le Canada dans son entier, celle qui contrôle le gros des actifs réels au Canada, celle que John Porter, dans son ouvrage classique « The Vertical Mosaic », a nommée l'élite économique canadienne, moins de 1000 personnes qui contrôlent l'économie canadienne autour des années 1960. Et puis de l'autre côté, les bourgeoisies régionales, mieux équipées bureaucratiquement et politiquement pour se faire entendre, et qui, dans une socio-économie qu'ils sentent mal synchronisée dans ces parties, où ils se sentent peu écoutés d'Ottawa, vont chercher l'oreille, susciter la législation provinciale. Voilà qui n'est pas sans rappeler ce que nous disait Alvin Finkel à propos des années 1930, tiraillement entre segments de bourgeoisie, chacun avec son morceau d'État et poursuivant des objectifs le plus souvent incompatibles. Georges Niozi est un spécialiste de sociologie économique à l'Université du Québec à Montréal. Il a étudié ces bourgeoisies. Ce qui serait vrai, c'est de dire qu'il y a un nombre réduit de personnes qui contrôlent l'économie canadienne, mais ça ne forme pas une élite. Ça forme plutôt une classe dominante, une bourgeoisie, si vous voulez l'appeler comme ça, d'une façon plus classique. C'est-à-dire les gens qui ont des investissements de 20, 30, 40, 50 ou 300 millions de dollars dans une société qui, par conséquent, sont les propriétaires. Mais ces gens-là font partie de cette bourgeoisie-là, mais pas par contre les avocats ou les conseillers de toutes sortes qui pullulent dans les conseils d'administration et qui forment souvent la majorité du conseil d'administration, la majorité absolue. Cette socio-économie canadienne de l'après-guerre, est-ce qu'on peut dire qu'elle est dirigée par un groupe dominant canadien ou de l'extérieur? Non, elle n'est pas dirigée de l'extérieur. Et en fait, au cours de l'après-guerre, il y a deux grandes périodes. Il y a une période qui va de la Deuxième Guerre mondiale jusqu'en 1970, où les contrôles étrangers augmentent lentement. Et après 1970, il y a un déclin très net, très clair, du contrôle étranger, notamment à cause de l'intervention de l'État, tant de l'État fédéral que des États provinciaux. Les États, en fait, commencent à intervenir de façon de plus en plus évidente, tous les États provinciaux comme l'État fédéral, pour limiter le contrôle étranger, pour limiter la croissance du contrôle étranger, et même pour réduire le contrôle étranger, soit en créant des sociétés d'État qui vont acheter des compagnies étrangères. Je pense par exemple à la Potas au Saskatchewan de 1976 à 1979, Je pense par exemple à l'amiante au Québec, un processus qui a commencé. Je pense aussi au rachat des sociétés électriques, des services publics partout dans les provinces, par les provinces. Je pense à Petro-Canada aujourd'hui, qui a déjà acheté 4 sociétés, 3 pétrolières et un oléoduc. Je pense aussi à l'agence de tamissage des investissements étrangers. Je pense à la nouvelle politique énergétique. Toutes ces politiques-là sont destinées à réduire les contrôles étrangers de l'économie. Et ces politiques-là ont été appliquées lentement au début des années 60 et très rapidement aujourd'hui pour réduire les contrôles étrangers de l'économie. On peut se demander, M. Niozi, si ce pouvoir économique extrait, exproprié de l'étranger, va être remis à une bourgeoisie canadienne ou à des bourgeoisies régionales, à des groupes d'affaires dont les loyautés vont être moins nationales que régionales au Canada. Mais je pense qu'une bonne partie du conflit fédéral-provincial tourne autour, justement, de qui va s'approprier des richesses, des ressources naturelles des provinces, et de cette richesse qui tourne autour, justement, des ressources naturelles. Et prenez deux exemples. Mettons la pétrochimie. Le fédéral a toujours favorisé la croissance d'une pétrochimie en Ontario, autour, justement, des polissades, alors que l'Alberta, à un moment donné, a décidé de se doter de ses propres institutions et de ses propres sociétés dans le secteur, en créant des sociétés pétrochimiques provinciales. Dans le cas de l'acier, c'est la même chose. Le Québec a décidé de créer Sidbec pour éviter que toute l'industrie de l'acier soit concentrée en Ontario. Je parle de ces deux secteurs-là, car ces deux secteurs-là sont des secteurs dont beaucoup d'autres secteurs dépendent. Si vous n'avez pas d'acier, vous n'aurez pas les industries qui travaillent avec l'acier. Si vous n'avez pas de caoutchouc synthétique ou du latex, vous n'aurez pas toutes les industries qui l'utilisent. Et évidemment, dans ces deux cas-là, vous avez deux provinces productrices d'une matière première importante qui luttent pour éviter que l'industrialisation s'efface, se concentre naturellement, comme elle continue de se concentrer depuis 40 ans, en Ontario. Alors, les provinces défendent évidemment les intérêts des bourgeoisies régionales et le fédéral a l'air de défendre davantage les intérêts de la bourgeoisie pancanadienne qui a son siège social aujourd'hui à Toronto. Tant au niveau pan-canadien qu'au niveau régional, les années 60, ce sera le grand âge de la rhétorique planificatrice, la grande époque de la planification. On va créer Conseil économique du Canada, tout un train de ministères à Ottawa aussi, pour tenter de gérer plus précisément l'économie canadienne, ministère de l'industrie, de la main-d'œuvre, du développement régional, autant d'agences à qui on demandera d'aider à réduire le chômage structurel, d'éliminer les difficultés d'ajustement structurel de la socio-économie canadienne. Au niveau des régions aussi, les volontés de planification vont se faire entendre. Si on connaît bien le maître chez nous du gouvernement Lesage, il faut se rappeler que dans l'Ouest, en Saskatchewan, le gouvernement social-démocrate avait déjà un planning board et donnait le ton aux interventions provinciales. On ne parlait pas encore d'aliénation dans l'Ouest, mais la réalité était déjà là, et la volonté aussi de construire des économies qui n'allaient plus dépendre ni des décisions étrangères, ni des décisions du Canada central. Ce sera souvent le conflit ouvert entre les objectifs nationaux et les objectifs régionaux, l'interneutralisation, si on peut dire, des politiques, des conflits de juridiction qui vont engouffrer les énergies créatrices de tous les côtés. John Richards a été député en Saskatchewan, il a enseigné à l'Université d'Alberta, il est maintenant économiste à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique, il est co-auteur d'un livre intitulé « Prairie Capitalism ». Une des controverses sur les ressources pendant les années 70 a été la nationalisation par le gouvernement de la Saskatchewan de l'industrie de potasse. Mais lorsqu'on parlait de nationaliser par la province, c'était une question de prendre le pouvoir et le gouvernement a explicitement dit que si le contrôle restait à Toronto ou à Chicago, c'était la même chose. Et il ne faut pas sous-estimer dans les prairies, pendant la période du blé, comme pendant la période du pétrole, que l'évolution a été une évolution pour maximiser le contrôle domestique. L'opposition a été toute institution extérieure et une forte ambiguïté envers le gouvernement fédéral et les compagnies canadiennes qui étaient vues de neuf. toute institution extérieure et une forte ambiguïté envers le gouvernement fédéral et les compagnies canadiennes, qui étaient vues d'un œil presque aussi négatif que les sociétés étrangères. Est-ce que cet effort de province building, de construction d'économies séparées dans l'ouest du pays, n'a pas pour effet à plus ou moins long terme une sorte de balkanisation de l'espace économique canadien? Je pense qu'on aurait presque pu parler de cette balkanisation pendant les années 20. La montée des partis populistes dans les années 20, c'était aussi une opposition à la Canadian Pacific, perçue comme une institution qui exploitait la région. Il n'y a que les Ontariens qui pensent d'abord au pays et en deuxième temps à la province. Partout ailleurs, on pense à sa région d'abord et puis on dit « oui, bien sûr aussi, on est Canadien ». Mais cette identification limitée au Canada, John Richards, vous en parlez à propos des gens de la Saskatchewan, des gens de l'Alberta qui ont développé à différents moments leur bourgeoisie régionale, leur politique particulière. Mais dans tout ce débat sur l'Ouest canadien, il semble que le Manitoba est un petit peu exclu et que la Colombie-Britannique demeure, en un sens, en attente. On n'a pas encore là vu se construire les mêmes sortes de cohésion sociale, de formation sociale, bourgeoisie régionale, qui auraient eu des projets de société aussi clairement définis que les communautés de la Saskatchewan dans les années 20 et 30 ou que la bourgeoisie plus récente en Alberta. Le Manitoba, lui aussi, a partagé, surtout dans les années 20, ce sens de régionalisation. C'était un des gouvernements populistes et dominé par un parti de fermiers pendant les années 20. C'est une province qui s'est éloignée du fédéral. Et le processus a eu lieu là-bas, comme ailleurs dans les prairies. La Colombie-Britannique, c'est un peu un état-ville. Les deux tiers de la population se situent dans une toute petite région autour de la grande métropole de Vancouver, un port international dont la population est pour 20% chinois, un autre 5 à 10% est d'origine indienne de l'Inde. C'est une région qui s'oriente vers le Pacifique avec ses exportations de charbon au Japon, exportation du bois, ce qui est l'industrie la plus importante. C'est une région qui se désintéresse un peu des problèmes du reste du pays. On ne parle pas du bilinguisme, on parle guère de la Constitution, on parle guère du prix du pétrole. Il n'y a pas les mêmes passions qui animent la politique locale ici. Il y a beaucoup plus d'identification avec la Californie. On a tendance à parler de la Colombie comme étant la deuxième Californie. Donc, dans un certain sens, c'est la région la plus américanisée du pays entier. Et aussi, c'est la région dont les contacts avec le Canada sont les plus faibles. Comme d'autres régions au Canada, la Colombie-Britannique est, peut-on dire, prisonnière de son pôle de croissance. La Colombie-Britannique, tournée vers le Pacifique, est peut-être trop fortement dépendante de l'industrie forestière, disent certains économistes. Trop dépendante parce que les forts salaires que peut payer l'industrie à cause des conditions trop généreuses que fait le gouvernement de la Colombie-Britannique aux compagnies d'exploitation, ces forts salaires empêchent d'autres industries de s'implanter. Ailleurs dans l'Ouest, mais dans les maritimes aussi, on a eu le goût de la planification dans les années 60, une planification qui est souvent tombée dans la pathologie économique, qui a souvent donné lieu à des volontés d'implantation énormes, créatrices d'emplois, on l'espérait, impressionnantes cependant de par leur énormité seulement. La croissance forcée par les régions pour le développement économique de la région à tout prix. Pour les gouvernements des provinces atlantiques, dépendant des charités du gouvernement fédéral, l'espoir soulevé par la construction de l'automobile Bricklin, par l'implantation de Michelin, par la construction d'une usine d'eau lourde à Glace Bay, c'est un peu comme l'espoir de la pêche miraculeuse dont rêvent, dit-on, tous les pêcheurs. La croissance vite assurée continue à perpétuité. Ralph Surette, d'Halifax, rappelle les conditions de cette dépendance, mais aussi comment, dans les maritimes, comme au Québec, on en est venu à douter de ces grands plans et à compter sur la PME. Il faudra souligner que à peu près 50% du budget provincial provient du fédéral, ça comme les autres provinces atlantiques. Le niveau de revenu personnel est à peu près 40%, par exemple, plus bas que celui de l'Ontario et peut-être à peu près 25-30% plus bas que la moyenne nationale. Il y a aussi, du point de vue négatif, un problème historique de désindustrialisation. Depuis, en fait, le début du siècle, les provinces atlantiques, la Nouvelle-Écosse surtout, se désindustrialisent. Au 19e siècle, il y avait pas mal d'activités manufacturières ici. Depuis ce temps-là, les compagnies ont tendance à se faire acheter par une compagnie ontarienne. Le lieu de production ici est fermé et il devient un lieu de service. Alors, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a aussi des trous noirs dans l'économie, par exemple, comme Sydney Steel, la sidérurgie à Sydney. C'est vieux, c'est en état d'écroulement, on ne sait pas quoi en faire. Alors, il y a aussi le chantier maritime d'Halifax, mais ça, ça pourrait être plus ambigu. Ça n'emploie pas autant de personnes qu'on le voulait ou qu'on le faisait dernièrement, mais ce n'est pas si grave que Sydney Steel, mais c'est encore une question ouverte. Depuis la déclaration de la limite de la zone de pêche de 200 000, la valeur de la pêche monte de façon absolument fantastique. En 78, la valeur des débarquements de poissons en total en Nouvelle-Écosse ont monté de quelques 40%. Alors ça, c'est fantastique. Il y a aussi du charbon qui renaît au Cap-Breton. Et ça, ça a été aidé aussi par la chute du dollar canadien. En fait, cette région ici bénéficie de la glissade du dollar parce que ça fait les exportations plus viables. Et il y a aussi un changement, je dirais, psychologique ici en Nouvelle-Écosse. C'est un peu vrai aussi des provinces atlantiques en général. Il y a des chiffres, par exemple, qui indiquent en tout cas que le taux de création de petites entreprises en Nouvelle-Écosse et aux provinces atlantiques en général est plus élevé que la moyenne nationale. Et je pense que depuis une dizaine d'années, on a appris quelques leçons. Ici, il y a eu toutes sortes de faillites absolument fantastiques qu'on a connues. On parle de la Bricklin au Nouveau-Brunswick, mais avant ça, il y avait une fameuse question de l'usine d'eau lourde du Cap-Breton qui avait coûté à la province 120 millions de dollars, et ça, c'est 10 ans passés, c'est quand même substantiel à ce moment-là. Il y avait l'histoire de la Clairton. À Terre-Neuve, il y avait la raffinerie Shaheen, et toutes ces histoires-là. Depuis ce temps-là, les institutions gouvernementales, il y en a plusieurs, ont décidé de se pencher plus sur des entreprises qui sont plus petites, plus à l'échelle de l'endroit, qui vise le marché local d'abord, au lieu de vouloir exporter tout immédiatement sans savoir comment. Et on parle surtout de petites entreprises manufacturières reliées aux ressources de l'endroit. Et ça paraît que ça marche. Par exemple, la Banque fédérale du développement, là, ses chiffres montrent que le taux de croissance des prêts faits aux petites entreprises de 74 à 78 a procédé à double la moyenne nationale. Il y a eu, je crois, un renversement de valeur en Nouvelle-Écosse. 10 ans passés, 15 ans passés, et traditionnellement, depuis en fait le début du siècle, les gens quittaient les provinces atlantiques, quittaient la Nouvelle-Écosse. Dans le recensement de 71, pour la première fois, on trouve que la population de la Nouvelle-Écosse augmente plutôt que diminuer. Autant qu'au Québec, peut-être, a-t-on mieux vu la montée des ambitions nouvelles du gouvernement. Peut-être parce que les difficultés économiques de la fin des années 50, début des années 60, avaient engendré des perturbations sociales plus importantes au Québec qu'ailleurs au pays. Non seulement le chômage était plus fort, mais c'est le moment où, au Québec, les frustrations plus aiguës des citoyens se sont canalisées dans des formes plus violentes. C'est au Québec aussi, après la Saskatchewan, dans le temps, mais avec tout autant de ferveur, qu'on a voulu faire du rattrapage au plan social et un grand bond en avant dans le développement économique. C'est la révolution tranquille des années 1960. Roland Parenteau a vécu cette expérience comme directeur du Conseil d'orientation économique du Québec, l'ancêtre de l'Office du plan. Je lui ai demandé de nous expliquer cette volonté de planification au Québec. On déplorait considérablement la subordination du Québec par rapport à des capitaux étrangers. Et quand on dit étrangers, il ne s'agissait pas uniquement de capitaux américains, mais de capitaux anglo-canadiens. Donc, tout ce problème d'émancipation des francophones a marqué, si vous voulez, les années 40 et les années 50, d'abord au niveau intellectuel. Et un des reproches qu'on faisait à ce moment-là à l'égard du régime Duplessis, c'est justement qu'il n'intervenait pas suffisamment. Arrive le gouvernement Lesage au pouvoir, qui n'était pas précisément un gouvernement socialiste ni un gouvernement de gauche, loin de là, mais cependant, sur une base très pragmatique, il s'est mis à intervenir de façon extrêmement puissante, si vous voulez, par toute une série de créations de sociétés d'État, la SGF, Sidbec, etc. Et c'était des décisions qui étaient prises coup par coup, si vous voulez, mais qui faisaient, je pense, partie d'un ensemble qui n'était pas toujours très conscient au niveau du gouvernement, mais d'un ensemble et qui relevait en fait là, de l'objectif là, d'attribuer un certain nombre d'instruments de contrôle sur l'économie à des francophones. Alors ça, je pense que c'était un élément extrêmement important. Et à ça s'ajoutaient des raisons d'ordre économique parce qu'on attribuait comme objectif à ces organismes-là, par exemple, la création d'emplois, l'élargissement de la base industrielle de la province, etc. On retrouve ça dans les lois constitutives de ces sociétés-là. Et aussi, il y a eu toute une série d'autres politiques, comme par exemple le développement des politiques d'équilibre régional à l'intérieur du Québec, c'est-à-dire entre les régions comme celle de Montréal et les régions périphériques, Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Abitibi. Alors, il y a eu des velléités à ce moment-là d'établir des politiques d'équilibre entre régions. Alors donc, il y avait des motifs d'ordre culturel, des motifs d'ordre politique et des motifs d'ordre économique qui ont amené ces interventions considérables. Ces interventions considérables, comme vous dites, M. Parenteau, est-ce qu'on peut en partie aussi les attribuer à ce que des gens comme Hubert Guindon ont appelé la révolution bureaucratique? Est-ce qu'il s'agissait d'une réaction à des demandes des groupes sociaux les plus divers seulement, ou s'il s'est agi aussi en partie d'une prise en main des économies de l'appareil politique par une nouvelle classe moyenne qui, nationaliste un peu, a voulu être maître chez soi? Bon, voici, ici, sur ce plan-là, disons que quand le gouvernement Lesage, parce que je pense que l'année 60, c'est une année quand même là, qui est charnière dans tout ce développement, quand le gouvernement Lesage a pris le pouvoir, il n'y avait pas de fonction publique. À toute fin pratique, il n'y avait pas un seul économiste dans le gouvernement. Donc, le mouvement ne pouvait pas venir de l'intérieur. Il est venu de l'extérieur et on arrive à des situations assez paradoxales dans lesquelles la Chambre de commerce de la province, qui n'est pas particulièrement un mouvement de gauche, préconisait la planification économique, la création d'un conseil d'orientation économique, la création d'une société générale de financement, etc. Donc, il y avait dans le milieu un mouvement qui pressait le gouvernement d'agir. Et encore une fois, le gouvernement a cédé à ces pressions-là. Je dirais qu'après un certain nombre d'années, une fois que le gouvernement s'est organisé, une fois qu'il a accueilli dans les cadres de la fonction publique un certain nombre d'économistes, ceux-ci sont devenus par la suite des éléments très actifs, très dynamiques de ces nouvelles politiques. Et à ce moment-là, disons, comme dans n'importe quelle bureaucratie, et ça, la bureaucratie, on l'a appris très rapidement, comme dans n'importe quelle bureaucratie, elle a tendance à étendre son action, à étendre son influence, et ça a pris la forme, je pense, d'un certain type d'intervention qui était essentiellement la création d'entreprises publiques. Parce que ça offrait en même temps des débouchés à un certain nombre de fonctionnaires. Ça donnait l'occasion de créer des organismes qui pouvaient être maintenus d'une certaine façon sous le contrôle de l'État. Et aussi, disons que la forme que ces interventions ont prise, c'est-à-dire la création d'entreprises publiques, était en quelque sorte un substitut à l'élaboration d'une politique. Il faut dire que dans bien des cas, étant donné que c'était quand même des phénomènes nouveaux, qu'on ne savait pas trop dans quel sens on devait s'orienter, quels étaient les objectifs qu'on devait poursuivre, Une des réactions normales, c'est de dire on va créer une société d'État et cette société-là, qui va grouper des spécialistes, elle va s'occuper d'établir la politique. Exemple, SOCEM, Société d'exploration minière, on savait qu'il y avait un problème du côté du développement minier, on savait qu'il y avait un certain ralenti, on dit on ne fait pas confiance aux grandes sociétés multinationales dans ce sens-là, on n'est pas sûr qu'elles jettent leur dévolu complètement sur l'avenir du Québec, donc on crée une société d'État, on ne sait pas trop comment faire, mais on va réunir des spécialistes et eux établiront une politique minière. Et ainsi de suite, on pourrait utiliser cet exemple-là pour plusieurs des sociétés d'État. Cette approche un peu nouvelle à la politique qui fait qu'on crée l'instrument, qu'on crée l'organe pour que la politique s'en suive, est-ce qu'en fait on peut dire qu'une partie des succès des années 60 au Québec est attribuable à cet effort de planification? Quand on parle de succès, évidemment, il faut s'entendre sur ce que ça représente. Il y a eu un effort de planification. Alors, moi, j'ai mentionné ou j'ai insisté beaucoup sur la création de certains instruments. Et comme vous le dites justement, on a créé les instruments avant même d'avoir des objectifs de politique, avant même d'avoir des politiques. Mais au fond, c'était un petit peu voulu en ce sens qu'on se disait, si on essaie de s'entendre, d'avoir un consensus général sur les politiques, on en a pour une génération. Et pendant ce temps-là, on ne fera rien. Donc, on créait des instruments et on dit on s'arrangera ensuite pour que ces instruments-là deviennent efficaces. Il y a eu évidemment beaucoup de déceptions. Il y a eu un certain nombre de ces sociétés d'État qui n'ont pas très bien fonctionné. Il y en a encore, disons, après 15 ans, qui fonctionnent plus ou moins bien. Mais malgré tout, on peut dire que certaines d'entre elles ont été des succès et elles sont devenues des forces considérables. Et à l'heure actuelle, on est en mesure de préciser les objectifs qu'on leur fixe, qui étaient très flous au début. Et ce sont maintenant des instruments. Il s'agit maintenant de savoir où on va. Il faut dire cependant, je pense que ce qui est assez important, c'est que en même temps que le gouvernement créait un certain nombre de sociétés qui intervenaient au plan économique, il a été accaparé par d'autres types de réformes, comme par exemple la réforme de l'éducation, qui a été évidemment un mal de tête considérable pour le gouvernement. Par la suite, dans les années 70, les politiques sociales, etc. Ce qui fait que le gouvernement, pour lui, sur le plan économique, disons, pour utiliser un terme qui n'est peut-être pas très gentil, il se sentait plus ou moins compétent pour intervenir. Il s'appuyait d'ailleurs de toute façon sur l'entreprise privée. Il n'était pas interventionniste dans le sens qu'il voulait prendre le contrôle complet de l'économie. Mais il se sentait plus ou moins compétent. Donc, il créait des sociétés d'État. Il avait des politiques ou des velléités de politique, de développement régional, des politiques de développement industriel, etc., de développement scientifique, par exemple. Et tout en consacrant une bonne partie de son temps à la réforme d'autres secteurs d'activité, comme, encore une fois, les politiques sociales, les politiques de l'éducation, etc. Donc, on peut dire qu'en filigrane, on voit dans toute cette période, des années 60, des années 70, une espèce d'expérimentation de ce que serait une certaine intervention économique qui se fait sans véritablement de planification. Il y a eu au début des velléités de planification. Et il y a eu des tentatives de planification, c'est-à-dire une tentative de présenter un schéma général du développement idéal que devait suivre la province. C'était basé d'ailleurs sur l'expérience française. Il faut dire que toutes ces sociétés-là se sont développées dans un contexte de francophilie considérable. Quand on a créé la Caisse de dépôt et placement, on pensait à la Caisse française de dépôt et consignation. Quand il s'est agi de monter une industrie sidérurgique, on s'est tourné vers la France pour trouver des spécialistes en sidérurgie, etc. De la même façon, du côté de la planification, on pensait à la planification française des années 50, qui était considérée comme un succès, et on a voulu faire du mimétisme, imiter plus ou moins la France, mais en oubliant qu'on travaillait dans un contexte extrêmement différent et qu'il n'était pas possible. Ce qui veut dire que la planification en tant que telle, la planification, je dirais, du développement socio-économique, a été effectivement un échec. Ces politiques économiques fédérales et provinciales, de plus en plus ambitieuses, même si souvent maladroites, ces espoirs de définir des politiques qui pourraient conformer différemment la socio-économie canadienne, tout cela va durer jusqu'à la fin des années 60, début des années 70. Et puis, il y aura renversement des vapeurs. Les années 70 vont, à mesure qu'on avance dans la décennie, distiller un scepticisme de plus en plus grand. Tout un vocabulaire nouveau, assez nihiliste, en arrivera à émerger, un vocabulaire anti-volontariste, anti-keynésien, pourrait-on dire. On parlera de chômage naturel, pour bien marquer qu'on ne peut rien y faire. on insistera sur les anticipations rationnelles des agents économiques, anticipations qui leur permettent de neutraliser ou stériliser tout effort pour tenir cette promesse un peu folle, dira-t-on, qu'on allait assurer le plein emploi, la vieille promesse du livre blanc sur le revenu et l'emploi de 1946. C'est le moment où non seulement on va vouloir se retirer de tout un train de programmes d'intervention sectorielle mis en place dans les années 60, mais où c'est la réglementation gouvernementale qu'on tiendra responsable de l'inflation, des investissements trop minces, de la productivité qui ne croît plus, de la stagflation. J'ai demandé à André Reynaud, un ancien président du Conseil économique du Canada, de jauger pour nous l'expérience de l'intervention gouvernementale de plus en plus ambitieuse des années 1960. Les années 60 sont les années de l'euphorie bureaucratique, sont les années des grandes ambitions de la part des gouvernements. Même aux États-Unis, on a vu apparaître les premiers signes d'une certaine volonté de planification. On pense ici à Walter Heller, par exemple, conseiller du président Kennedy, qui a exposé de façon très claire et très précise cette philosophie qui consistait, somme toute, à penser qu'un gouvernement pouvait, s'il était intelligent, si les gens étaient compétents, pouvait obtenir à peu près n'importe quelle variante des taux de croissance, n'importe quelle variante de création d'emplois d'une année sur l'autre. On pensait qu'on avait les outils, mais on pensait que si on était fin, si on était, encore une fois, compétent, on pouvait influencer à quelques dixièmes de fraction près la croissance de la productivité dans l'économie. Par conséquent, on a institué tout un ensemble de bureaux de réglementation, de bureaux d'incitation, d'institutions de caractère public qui, évidemment, sont demeurées sur place et qui, elles, par leur propre dynamisme, ont accru progressivement et de façon considérable le rôle de l'État dans la vie de tous les citoyens. Il demeure que la croissance économique a continué, tout au moins pour une bonne partie des années 60, et qu'on a pu attribuer cette croissance continue à l'intervention attentive du gouvernement. Oui, de fait, on l'a attribué à cette intervention accrue des gouvernements. Encore une fois, avec le bénéfice que nous avons après coup de voir ce qui s'est produit, on se rend compte aujourd'hui qu'il y avait beaucoup d'autres raisons pour lesquelles cette croissance avait pu prendre place. Et je pense qu'il n'y a plus personne aujourd'hui qui imputerait ces périodes de prospérité et cette période de progrès très rapide à l'action des gouvernements. On doit plutôt imputer cette croissance rapide d'abord à la reconstruction des économies européennes. On doit l'attribuer à un très grand effort de libéralisation du commerce international. On doit l'attribuer peut-être autant qu'à l'action des gouvernements locaux, des gouvernements nationaux, à la mise en place d'un grand nombre d'institutions internationales qui, elles, à la différence des institutions nationales et en l'absence d'un gouvernement international, jouent un rôle clé, un rôle majeur visant à faire respecter les règles du jeu par les partenaires, par les investisseurs, par les gouvernements même sur le marché international. Ceci a permis, peut-être plus que jamais, a permis une ouverture des économies nationales sur le monde et a permis donc de faire bénéficier ces économies nationales des gains d'une croissance extrêmement rapide des échanges internationaux, avec ce que cette ouverture peut signifier en termes de concurrence, en termes de technologie, par exemple, de progrès scientifique qui était partagé plus que jamais parmi les scientifiques du monde. Et on a donc assisté à un progrès technique qui a été extrêmement rapide. Et tous ces éléments-là ont fait qu'au fond, on a pu penser que c'était cette volonté des gouvernements d'intervenir qui était à l'origine de la croissance économique, quand en fait, je pense personnellement que cette croissance aurait eu lieu, même si les gouvernements avaient affiché une attitude beaucoup plus détendue, beaucoup plus passive. Cette grande période de croissance de la fin des années 30 à la fin des années 60 elle a été le résultat, selon M. Reynaud, non seulement de l'action gouvernementale, mais aussi et surtout le résultat de la réduction des barrières tarifaires et de l'urbanisation accrue aussi, qui vont permettre au Canada de s'insérer mieux dans la division internationale du travail et de faire un meilleur usage de sa main-d'œuvre. Mais à la fin des années 60, on a éliminé le gros des barrières tarifaires et on a urbanisé le gros de la population. On voit donc le commerce international croître plus lentement et la productivité croître plus lentement aussi. Mais comme les gouvernements avaient partout promis de maintenir le niveau d'emploi élevé et stable, on voit tous les gouvernements du monde industrialisés mettre en place rapidement des politiques de relance. C'est une augmentation très forte de la masse monétaire, non seulement à l'intérieur des nations, mais dans les marchés internationaux aussi. Et des déficits budgétaires partout pour stimuler la demande globale et donc l'emploi. Le résultat de cette confluence de politiques expansionnistes dans un monde où les ressources réelles ne sont pas immédiatement agrandies parce que les gouvernements dépensent davantage, c'est l'inflation. Une inflation que viennent nourrir encore les chocs pétroliers dans les années 1970, mais une inflation qui est déjà bien lancée en 1971. Si on n'explique pas la croissance des années 40, 50 et 60 par l'action gouvernementale, certains donc expliquent nos problèmes des années 70 par l'action gouvernementale. Quoi qu'il en soit, s'amorce avec les années 70 une autre période de ralentissement dans l'économie mondiale. La prochaine fois, nous chercherons à voir non seulement comment la socio-économie canadienne s'est ajustée à ce ralentissement, mais encore comment la socio-économie canadienne a commencé de vivre une quatrième grande discontinuité, son passage vers une économie de l'information. Les personnes désirant se procurer les textes de cette série d'émissions peuvent les obtenir en écrivant au service des transcriptions et dérivés de la radio, Société Radio-Canada, case postale 6000, Montréal H3C 3A8. À la recherche, Wayne Smith et Ron Meng. Conseiller musical, Martin Pagé. À la technique, Sylvain Léger. Assistante à la production, André Giguère. Texte et entrevue, Gilles Paquet, qui vous parle. Histoire économique du Canada est une émission de Jean-Claude Labrecq. Thank you.